de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La musique parle. Sans un mot, elle nous parle. Qu'elle monte des profondeurs ou tombe du haut des cieux, elle dit tout, elle exprime tout, sans même avoir besoin de paroles. Qu'elle hurle à plein poumon ou chante d'une voix douce, la musique est puissante. Elle peut être puissance dans les mains des puissants, mais aussi force de contestation, de protestation, pour les opprimés, les révolutionnaires. Qu'elle soit rappel à l'ordre de marcher et de penser au pas, ou souffle d'une liberté émancipatrice, elle participe de l'histoire des hommes, du levant au couchant et du soir au matin, de leur vie quotidienne, de leurs sentiments et de leurs idéaux les plus élevés, comme de leurs passions les plus tristes et les plus démoniaques. En 1980, pour La musique et les hommes, Rémy Stricker et Alain Ferron analysaient les liens complexes que le pouvoir, de tout temps et partout, qu'il soit politique, idéologique, religieux, social, économique ou tout cela à la fois, entretient avec la musique, avec toutes les musiques. La musique et les hommes, musique et pouvoir, première partie. Eh bien, un indicatif de cette première émission Musique et Pouvoir, nous venons d'entendre le tout début des 36 variations sur un thème révolutionnaire chilien de Frédéric Tchaïkovski. Thème tiré d'un chant signé Ortega Quilapayún et titré El pueblo unido jamás será vencido. Les deux termes réunis de musique et pouvoir semblent de prime abord paradoxaux, pour ne pas dire antinomiques. En effet, de par ses particularités propres, la musique apparaît comme le plus dépolitisé des arts. Or, pure abstraction du son en soi, celle-ci n'est point, dit-on, réductible à la signifiance d'un langage, véhicule d'idées. Cependant, alors même que l'esprit se convainc de cet état de choses, la constante préoccupation des pouvoirs dément cette première assertion par l'attention qu'il porte à celle-ci, afin soit de s'en servir comme manifestation, soit comme objet de puissance. Et les créateurs ne sont pas en reste, aussi bien ceux qui renforcent le pouvoir en mettant leur art à son service que ceux qui dévient sa finalité en l'utilisant comme support de contestation, d'accusation, de désapprobation. Si un son n'est ni capitaliste ni socialiste, dixit Metzger, si les formes, les techniques musicales ne sont ni de droite ni de gauche, il n'en est pas moins vrai que les composants de l'art musical peuvent être politisés dans leur concept. Il suffit alors d'envisager le mot politique dans son sens grec d'organisation de la vie de la cité. Car s'il est un fait que l'on ne peut nier, c'est l'impact sociopolitique que peut avoir une œuvre musicale de Beethoven à Verdi, en passant par Mozart, Moussorgsky, Wagner, Shostakovich, Hindemith, Schoenberg, Penderecki, etc. Disons simplement qu'une des caractéristiques de notre temps est sans nul doute possible la prise de conscience des créateurs face à leur art. Que la musique se teinte alors de marxisme, Castiglione, de mysticisme religieux, Messiaen, d'existentialisme, Leibowitz, de philosophie évolutionniste, Krenek, d'ésotérisme philosophique extra-européen, Stockhausen, n'a pas de quoi surprendre. Tout comme le recul permet d'analyser des données musicales aux connotations politiques historiques évidentes et d'en comprendre à la fois l'éclosion, les manifestations et l'utilisation. Nous voulons parler de Wagner, récupéré par l'idéologie hitlérienne, des Malipiero, Respighi, Mascagni servant le régime mussolinien. Nous voulons parler de la période soviétique, du manifeste Djanov, fustigeant et dénonçant l'orientation dite formaliste, antipopulaire et antidémocratique, de Shostakovich, Khatchatourian, Prokofiev, Chebaline. Nous voulons parler de la révolution culturelle chinoise sous Mao, de la musique sous la révolution de 89 et sous l'empire napoléonien. Autant d'exemples de reflet d'une politique, d'un pouvoir et de son attitude face à la création musicale et, inversement, de la prise de position de certains compositeurs s'insurgeant contre un pouvoir délateur, primaire, dictateur, totalitaire, réactionnaire. Et si le XXe siècle a permis à la musique d'accéder au statut de langage à part entière, c'est en transcendant la note et le son, en leur donnant volontairement une signification au niveau de l'idée, du concept, de la philosophie, de l'idéologie. Beethoven, en écrivant son ouverture Coriolan et en précisant sur son manuscrit « L'entrée de la trompette indique la liberté obtenue par la patrie », était, c'est une lapalissade, conscient de l'intention extra-musicale qu'il voulait donner à sa partition. Il y transcendait le concept même de la musique en la faisant accéder à des sphères de l'esprit non réductibles au langage musical. Ce n'est donc pas une découverte. La seule novation du XXe siècle serait donc d'avoir reconnu le fait comme existant à part entière, comme pouvant être utilisé et intégré à la musique. Si celle-ci est jaillissement et vie, elle est tout autant représentation signifiante et mise en situation sans cesse, structurée et restructurée du cosmos, du politikos. Quoi d'étonnant de constater alors la prise de position d'un Luigi Nono. Ce dernier, jugeant que l'œuvre ne peut qu'être politique, est amené ainsi à expliquer son attitude de comme essayant de définir une culture en tant que moment de prise de conscience, de lutte, de provocation, de participation. Ce qui implique de réenvisager entièrement le rapport créateur-public. Et c'est donc pour cela que Nono délaisse les lieux habituels de concert et privilégie les sorties d'usine, les halls, etc. Dominique Jameux mentionnait en 1971 les différentes attitudes possibles du créateur face à la réalité politique que vue par Nono, les voici. Boulez n'hésite pas à prendre des positions en pointe dans des domaines extérieurs à la musique, mais en gardant celle-ci à l'abri de toute contamination extérieure. L'attitude de Kagel, influencée par Adorno, part du principe que le langage musical est celui de la bourgeoisie. Il convient donc de le détruire, de le tourner en dérision, de le dissoudre en théâtre afin de porter atteinte à la domination idéologique bourgeoise. Celle de Stockhausen se place, en donnant la primauté à la technologie électronique, dans le sillage de l'impérialisme industriel USA, Allemagne fédérale, Japon. Et puis, il y a la position chinoise, au sens du gauchisme pro-chinois existant dans nos pays, où toute culture étant la culture de la bourgeoisie, il faut briser toutes les activités traditionnelles, production d'œuvres, concerts, séparation, interprète, créateur. Fin de citation. Si historiquement et géographiquement tout évolue et se transforme, il n'en demeure pas moins que ces catégories restent valables dans leur énoncé intemporel. Ce qui nous amène à l'un des problèmes essentiels de notre siècle et que Pierre Boulez exprimait en ces termes. La musique n'a guère d'existence hors la communication directe. Il parlait plus de ses activités de chef d'orchestre et d'essayiste, mais nous tirerons cette phrase à nous en redonnant tout son sens étymologique, social et linguistique au terme communication. Car la relation créateur-interprète-auditeur a radicalement changé. Et ceci depuis Cage, démystifiant l'œuvre d'art, insérant l'expérience théâtrale dans le quotidien, appelant l'aléatoire à la rescousse afin de revitaliser, de redynamiser la musique. Mais il serait injuste alors de ne pas citer Kagel et Schnabel, ce dernier allant jusqu'à transformer le public en interprète. Ce qui nous amène maintenant à souligner encore que le devenir de l'art n'est pas réductible à la seule notion du langage, mais à considérer aussi son engagement au travers des rapports établis entre public et créateur, entre créateur et interprète, entre interprète et auditeur. Les manifestations musicales de la Commune, du Front populaire et les vives réactions qu'elles suscitèrent par les pouvoirs en seraient une preuve supplémentaire. Alors, où va-t-on ? Quelle action la musique devra-t-elle entreprendre afin de survivre à l'asphyxie dont tous les pouvoirs la menacent ? De la clandestinité à l'underground, en passant par la révolution, la libre expression ou l'anéantissement, quelle sera la musique de demain et ses manifestations visibles ou souterraines ? Nul ne peut le dire, nous pouvons simplement constater que la situation est préoccupante, que ce n'est point un hasard si musique et politique se sont liées pour le meilleur et pour le pire. Cette introduction résumée va nous amener à tenter de cerner au plus près les différentes situations envisageables du pouvoir face à la musique et de la musique face au pouvoir. Le pouvoir étant ici toutes les formes et tentatives possibles de dirigisme étatique, qu'elles soient de droite ou de gauche. Ceci posé, nous commencerons par faire un saut dans le temps en compagnie de Marina Scriabine, qui a étudié dans un livre remarquable sur le langage musical la place de la musique dans la société africaine, l'une des plus anciennes qui soit encore vivante. En effet, dans certaines tribus, il semble que le temps se soit arrêté il y a des siècles en figeant les rapports esthétiques et philosophiques que la musique entretient avec la conception mythique et métaphysique de ce monde jugé trop légèrement primitif. Thank you. les Africains, le monde est donc né par étapes à partir d'une parole silencieuse qui s'est matérialisée en son. Et il est remarquable de se rendre compte qu'il existe dans la société tribale africaine une corrélation étroite entre le verbe et la musique, la parole étant vie, puissance fécondante. Cette parole créatrice se dit en bambara « faux », ce qui signifie « dire, parler, annoncer ». Mais ce même terme est employé entre autres dans le sens de « jouer un instrument ». Jouer un instrument est donc le faire parler. Le mot dogon, mi, désigne la voix humaine ou bien encore le timbre des instruments. So signifie langage en tant qu'il est signifiant. Sine veut dire le bruit, mais bruit désagréable et aussi la parole bruyante ou incompréhensible. En Afrique, donc, la parole est musique, force vivante, communautaire et vitalité fécondante. La tribu doit tout entière participer à la création, à l'action, au rite, à la fête, à la cérémonie. Une telle métaphysique permet et favorise l'expression collective. Ainsi, quoi de moins étonnant que de la voir s'épanouir dans la polyphonie et la polyrythmie. Dans cette société où toutes les activités sont unies, la musique est la vie dans sa totalité, informée par le réel, le vécu, et informant à son tour ceci, musicalisant ainsi l'univers. Cette étroite interaction de la musique avec les institutions, la religion, les coutumes, le travail, le jeu, assure le renouvellement de celle-ci, la diversifiant, l'enrichissant, l'empêchant de cette sorte de se figer. C'est un langage musical qui favorise l'invention à l'intérieur de limites simples données par la tradition, limites tracées afin que ne soient dissociées musique et vie, mais nous reviendrons plus loin sur cet aspect. Ainsi, tout est mouvement, action dans ce langage, les échelles sonores, les développements structurels, les rythmes, et c'est un véritable discours musical que ces prières, incantations, récitations, litanies, rituels, qui peuvent aussi bien se dire, se jouer, se chanter, se danser, que se tambouriner. Ce discours poétique, dramatique et musical s'organise en vastes structures formelles pouvant durer plusieurs jours. Rien de commun, bien sûr, avec les formes étriquées auxquelles nous sommes habitués en Europe et où l'auditeur s'arme de patience devant les quelques centaines de minutes que dure une symphonie de Mahler. Ces vastes formes dramatiques englobent, outre les structures purement musicales, d'autres langages esthétiques et signifiants tels danse, théâtre, mime, poésie, mais toujours étroitement liés à la vie participant de celle-ci et à celle-ci. Ainsi, une analyse des formes purement musicales n'est pas fidèle à la forme esthétique globale, bien qu'il existe des formes profanes purement sonores. Il est intéressant, en outre, de noter que la notion de spectacle n'existe pas en Afrique, j'entends bien sûr l'Africain non européanisé. Il n'y a donc pas d'acteurs et de spectateurs dans le sens où nous entendons communément ces termes, mais des participants à divers degrés d'action. Ceux qui ne peuvent participer au rite ne peuvent non plus les regarder. Mais revenons à ces formes purement sonores. Elles découlent des structures complexes, des cérémonies. Elles utilisent des gammes variables, mouvantes, des formules cadentielles primaires, la ponctuation étant donnée par l'accentuation, l'intensité rythmique qui, là, y est très riche et nuancée. Les instruments sont fortement personnalisés, chacun ayant un rôle très précis, comme dans la musique chinoise. Pour les Africains, l'instrument et vivant par lui-même, mais c'est à son utilisateur que revient le devoir d'y insuffler sa vie, l'instrument devenant ainsi le double musicalisé de celui qui en joue. Une autre particularité de la musique africaine est qu'elle ignore la notation et les cadres stricts, constitués par des formules mélodico-rythmiques le plus souvent, se transmettant oralement. Ces formules détiennent, et c'est un fait à noter, certaines analogies avec les langages tribaux utilisés et les langages imitatifs. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'en l'intérieur de cette rigueur, l'improvisation est reine. Ainsi, ces limites imposées, loin de scléroser l'imagination des participants, servent à la développer dans un certain esprit, montrent ainsi une direction qui donne naissance à des structures de développement très particulières, tout en favorisant l'exécution collective. Ces formes créent de la sorte un complexe polyphonique et rythmique où toute la communauté est conviée à participer. Ainsi devient naturelle l'intégration d'éléments hétérogènes tels cris, souffle, claquement de mains, grondement, rire, parole, le tout se fondant avec une parfaite cohérence au tout musical. C'est ainsi que la danse même est musique, en effet. Les danseurs s'attachent à la ceinture, aux poignets, aux chevilles, des grelots et sonnailles de tout genre, créant un autre élément rythmique et sonore qui vient se mélanger à la polyphonie rythmique déjà existante. Il faut noter que ces sons rythmés par la danse n'existent qu'en fonction du mouvement, bien entendu, qui lui-même n'est pensé qu'en tant que rythme qu'il fait naître ainsi. Tout étant lié à tout, la musique en Afrique est toujours adéquate à la vie. Aussi, existe-t-il des rapports étroits entre les rythmes musicaux et les rythmes corporels, tels le souffle, le rythme pulmonaire, la gestique, la période cardiaque. En Afrique, la musique est en quelque sorte la parole renforcée. Elle détient un attribut mythique en tant que force vitale créatrice et force maléfique destructrice. Le son participe en effet aussi bien à l'ici-bas qu'à l'au-delà. Il est Dieu et incarnation du mal. Il est esprit indivisible de la vie, du cosmos, de l'univers, dont il est la représentation signifiante, la mise en situation, sans cesse structurée et restructurée, de ce cosmos ritualisé qu'est la société africaine. Ainsi, le tambour parle aussi bien que le verbe, mais où finit le langage, où commence la musique? Et si la musique était langage? Et si la musique était moyen de communication? Ce qui est évident en tous les cas, c'est que dans la société africaine, la musique possède un pouvoir grégaire et individuel à part entière, fortement structuré. Un pouvoir que la civilisation occidentale a détourné de son origine première en la déconnectant du vécu, de la vie dans sa totalité, informante et informée, comme nous le disions tout à l'heure, en lui conférant un statut de classe sociale, en installant la musique dans l'abstraction du concept, en lui offrant une technique et une finalité esthétique. de Josquin des Prés, le Kyrie de la messe des Beata Virginae par l'ensemble vocal Roger Blanchard. Le premier pouvoir de la musique est donc sa potentialité de langage à part entière, sa spécificité sociale, son rôle dans le politikos, sa force de collusion avec des institutions éthiques, un mode de vie, une pensée grégaire, une culture spécifique. Mais la musique possède un pouvoir à face de Janus, à la fois double et unique. Elle est en effet et subversive et oppressive intrinsèquement. Tout dépend dès lors de la manière de l'envisager, de la façon de mettre plus en relief un aspect que l'autre. C'est ce que l'homme a compris depuis la nuit des temps en cherchant, différemment selon les lieux et les époques, à s'allier la puissance obscure et mystérieuse de l'univers sonore. En Occident, par exemple, la naissance historique de la partition et celle de l'imprimerie qui permettait sa diffusion a préparé la situation de la musique actuelle. Une situation qui allait développer le concert public et autres formes de vie musicale des masses sans barrière sociale, ou presque. La tendance à l'égalité s'étant manifestée dès le XIXe siècle par la scolarisation primaire obligatoire, a déterminé en outre l'essor de nouvelles catégories de musique populaire. La chanson-ci, des masses non organisées, fleurissant jadis vers la fin de l'Antiquité, a pris un nouveau départ dès qu'elle fut imprimée sur des partitions bon marché. Rappelons-nous les chanteurs de rue d'il n'y a pas si longtemps, vendant les partitions des chansons qu'ils interprétaient. Puis, de plus en plus, ces rengaines, grâce à la radio et aux disques, ont conduit les airs de carnaval et d'opérette aux tubes, purs produits de l'industrialisation, de la commercialisation des productions de masse. Ainsi en arrive-t-on à une culture populaire entièrement fabriquée et ressentie comme un besoin. Popularisation croissante qui entraîne son contraire, une dépopularisation de plus en plus radicale à l'égard de la musique contemporaine, affligée dès lors de la dénomination sérieuse. Musique contemporaine qui se voit refoulée vers l'élitisme et l'ésotérisme. Le débat est ainsi faussé, le mur s'élève de plus en plus. Thank you. Découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange. Viens donc, Mélie, viens donc voir, croyons bien que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait... Son porte-monnaie, l'île au trésor. et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de marte pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça, dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épins qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. Tribus, a Bruxelles, a Parigi, a mes pieds, à la secrétaire téléphonique, à Magnifico Lettone, à Santa Cruz, à Massonio, à Yamaha 17. Le pouvoir de la musique, au travers de l'idéologie sociale dominante de notre XXe siècle, nous le retrouvons pour notre part détourné dans la musique populaire devenue nos variétés, dans notre musique bien nommée, dite de consommation. Celle que l'on nous impose partout, des supermarchés aux restaurants, en passant par les publicités radio et télévisées. Média éminemment subversif, cette caractéristique est parfois récupérée, entre guillemets, pour devenir oppressive. Tel est le cas de l'action colonialiste de l'Occident sur le tiers-monde, par la musique de variété. Ainsi, voit-on la technologie et l'idéologie américaine envahir peu à peu Bali, et les jeunes balinais de se convertir aux Rolling Stones, à Elvis Presley, adhérer à l'électrophone, à la télé, à la radio, aux mini-cassettes. Une autre anecdote à cet effet est significative. C'est un ami qui me le racontait alors de son retour à la Martinique où il vécut 1 an. Un jour, voyageant dans le centre du pays, une région reculée où la civilisation occidentale n'est point encore réellement introduite, il arrive un soir dans un village en pleine fête. Eh bien, les villageois y dansaient sur un vieux 45 tours de Sheila. Incroyable, mais cependant véridique. Mais je vous propose d'écouter maintenant le choc culturel de 2 peuples foncièrement antinomiques, aux racines opposées, aux motivations, à la culture totalement contraire. Le choc de 2 musiques venues d'horizons aussi éloignés par leur raison d'être que Mars les 2 Vénus. Voici donc un aspect de la force explosive de ce mélange, dont l'Occident raffole afin de tenter de coloniser par la déculturisation d'autres civilisations. Voici ce qui se passe à Bali en 1980. Thank you.

get back. I'm all fried, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Cela dit, la réaction à une telle ingérence culturelle peut aussi se transformer en rejet et consolider, dès lors, l'affirmation ethnique. Mais, assimilation ou refus, ceci n'est qu'une conséquence tout à fait relative dans l'évolution des rapports entre musique et pouvoir. En effet, l'européanisation de la planète, commencée il y a 5 siècles par la découverte et la colonisation de l'Amérique, a eu pour résultat le fait que l'humanité ne formait plus un parallélisme de civilisation refermée sur elle-même, mais bien un enchaînement dont la poussée dynamique agissait non seulement dans l'espace, mais dans des directions temporelles et sociales dont les retombées sur l'évolution historique de la musique sont désormais évidentes. Les exemples significatifs de réaction à cette expansion européenne furent la formation d'autres centres de production hors d'Europe, correspondant à la mouvante répartition de la puissance politique, le choc en retour sur l'Occident de la soviétisation croissante de la vie musicale, l'émancipation nationale de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, la critique du nivellement et de la monotisation d'un système d'écriture, la perte d'authenticité et de racines de certaines musiques traditionnelles et folkloriques, étouffées soit comme éléments de rites religieux ou de traditions féodales, révolution culturelle chinoise, évincées par la lutte contre l'analphabétisation et l'obligation scolaire, asphyxiées par les musiquettes occidentales à la mode et les méfaits du tourisme. Réaction de cette réaction, une prise de conscience politique, une affirmation à se reconnaître dans une ethnie représentative, une prise de position contre ces facteurs de destruction et en faveur du patrimoine culturel. Un tel état de fait n'a été possible que par l'expansion des missions, des écoles, du commerce, de l'aide au développement des moyens de diffusion radio, télé, télégraphe, téléphone, cinéma et de l'édition. C'est en ce sens que l'on peut affirmer avec frayeur que l'histoire avance en grande partie comme progrès, progrès au sens neutre, dans la mesure où une réaction en chaîne est uniquement un progrès. La musique participe donc à une vaste révolution, mais ce changement d'époque est trop profond pour être qualifié de réaction. Il ne mène pas seulement à une nouvelle période d'évolution interne de la musique occidentale, comparable au changement de 1600, de 1750 ou de 1870, mais par-delà les frontières de l'Europe, à un âge mondial nouveau. Passons maintenant à quelques manifestations de la musique au service d'un pouvoir à mettre en place. Là encore, il existe deux tendances. Celle qui oppresse, afin de plier une société à une idéologie de type dictatorial, et celle qui tente de subvertir une idéologie dite révolutionnaire. Dans les deux cas, les schèmes sont identiques et la manipulation culturelle ne change que d'éthique. Prenons par exemple le cas du fascisme nazi qu'incarne Hitler et sa politique du national-socialisme. L'une des premières dispositions prises par le Führer fut de dresser une liste des créateurs décadents, liste interdisant la diffusion des œuvres de Schoenberg, Weil, Hindemith, Eisler, Hartmann, Krenek, Schrecker, Vogel, etc. Si Schoenberg était juif, Weil flirtait avec le marxisme brechtien et Krenek avait, dit-on, une sensualité musicale pervertie qui ne pouvait qu'infléchir la volonté de bronze du surhomme hitlérien. Comme on le voit, les raisons d'une telle liste noire n'étaient pas que politiques ou raciales, mais tout autant esthétiques, pour ne pas dire éthiques. C'était ainsi affirmé avec éclat combien la musique était partie intégrante du politikos. L'ingérence fascisante dans l'art musical va donc récupérer dès lors la mythique wagnérienne et la philosophie nietzschéenne que les responsables de la propagande culturelle vont malaxer de telle façon qu'il en sorte une esthétique de l'idéologie fasciste conforme à la dimension politique du régime à mettre en place. Les grands spectacles de masse, la puissance sont exaltés. L'incantation du discours oratoire d'Hitler marquera celui des musiciens du régime. Théâtral, violon, contrasté, mais simple, la voix d'Hitler s'élève pour enflammer dans des excès démagogiques la fraternité du peuple élu. Haben wir eine Regierung übernommen. Schlimmste Zustände sind in unser Volk hereingebrochen. Wir wollen sie beheben und wir werden sie beheben. So wie wir trotz allen Höhnen dieser Gegner in diesen 14 Jahren so weit gekommen sind, dass wir sie heute beseitigten, so werden wir auch die Folgen ihres Regiments beseitigen. Haben. Ich glaube, dem Frieden mehr zu nützen, wenn ich darüber keinen Zweifel lasse. Ich habe nicht die Forderung gestellt, dass Deutschland 3,5 Millionen Franzosen unterdrücken darf oder die, dass uns etwa 3,5 Millionen Engländer zur Unterdrückung ausgeliefert werden. Aber ich stelle die Forderung, dass die Unterdrückung der 3,5 Millionen Deutschen in der Tschechoslowakei aufhört und dessen Yeah. mixage que nous venons d'entendre utilisait les éléments suivants. Un discours d'Hitler fait le 10 février 1933 au Sportpalat de Berlin. Le chant révolutionnaire Peuple aux armes. Le discours d'Hitler toujours à la première réunion du parti à Nuremberg le 12 septembre 1938. Et enfin l'hymne nazi. National-socialiste convaincu, Karl Orff se fera le porte-parole musical du régime. Véritable Goebbels de la musique, Orff utilise des procédés psychologiques autant que des techniques de médias publicitaires. Pour ce faire, il opte pour un langage musical simple, voire même primitif, afin que tout le monde puisse participer à l'état de tension collective recherché. Cet état de transe visé se servira de la répétition, de l'incantation, de l'ostinato, des explosions sonores, des rythmes les plus lancinants, des psalmodies les plus entêtantes. L'orchestre se fait percussion, qu'agrémente des chœurs et quelques rares mélodies mélismatiques. Et nous voici transportés dans une réunion du parti à Nuremberg. Un tel matraquage, un tel viol de conscience était ainsi défini par le compositeur lui-même. Plus l'expression est essentielle, plus elle est simplifiée, plus son effet est direct et puissant. Karl Orff, Carmina Burana. Abordons maintenant un autre aspect, la musique au service de la consolidation d'une idéologie révolutionnaire, donc se voulant humanitaire. Bref, l'exemple le plus frappant, qui vient immédiatement à notre esprit, est celui de la Révolution française. Après celle-ci vont apparaître des institutions politiques et se créer des rapports sociaux nouveaux. Mais la révolution ne couvre qu'un bref laps de temps véritablement révolutionnaire. Mise devant l'impossibilité de trouver un moyen terme face à l'ancien régime, renforcé dans ses objectifs par les assauts étrangers, la révolution engendrera Thermidor. Ainsi, les nouveaux chefs de la révolution, en tentant de préserver les positions acquises sur l'aristocratie et le peuple, basculeront bientôt vers une république qui deviendra le fief du pouvoir personnel, ce qui mènera à la restauration. L'évolution musicale se pliera à tous ces événements comme un reflet exact de la vie politique et sociale d'alors. Mais si la musique est reflet, c'est aussi parce que la révolution tient à se servir d'elle pour affirmer ses positions, pour changer l'ordre ancien des choses. Comme l'on sait, la culture est à ce propos significative. La musique devient donc avec la Révolution véritablement populaire tant par ses objectifs que par ses moyens techniques. Au lendemain de la prise de la Bastille, la musique va donc se charger de commenter, de glorifier, de soutenir la Révolution. Aussi, durant les 3 ans qui séparent la prise de la Bastille de la proclamation de la République, la musique va-t-elle se dégager de plus en plus des formes et des structures tant techniques qu'esthétiques de l'Ancien Régime. C'est alors que se constitue un répertoire dit spécifiquement civique. La Carmagnole, le Saïra, le chœur, veillant au salut de l'Empire de Dalayrac, en seront les premières manifestations véritablement populaires. Il est à remarquer d'ailleurs que ce veillant au salut de l'Empire sera repris 12 ans plus tard, moyennant une nouvelle majuscule en tant que chant officiel de Napoléon. Comme quoi la récupération musicale ne date pas d'aujourd'hui. Mais fermons la parenthèse, nous sommes en 1791, date de la première fête nationale où la musique tient bien évidemment un rôle principal. Une musique qui délaisse désormais l'église pour la rue, le concert pour la place publique. Ainsi, renforçant les idées nouvelles, la musique abandonne les textes sacrés, souvenirs de l'Ancien Régime, et troque la soutane et le culte religieux contre les sans-culottes et la glorification d'entités populaires telles l'agriculture, l'être suprême, etc. Le nouveau Tédéum, selon le mot de Goethe, est désormais la Marseillaise. Les hymnes, célébrant l'égalité, la liberté, la fraternité, fleurissent sous les plumes des Gossec, Catel, Méhul, Cherubini et autres créateurs ralliés à la Révolution. Les mentalités ont changé. La perception de la musique en tant qu'art aussi. À l'apogée de la Révolution, en l'an 2, la musique est dans la rue. Là est sa nouvelle place. Elle s'y sent bien et y évolue avec aise. Un exemple ? En l'an 2 eut lieu la célèbre fête de l'être suprême que couronna la création du chant du départ. Voici donc comment cela s'est passé. La veille au soir, raconte-t-on, tous les compositeurs et instrumentistes, membres de l'Institut National de Musique, descendirent œuvrer dans leurs diverses sections de Paris afin d'apprendre leur chant aux choristes ouvriers et paysans amateurs. Le peuple était devenu actif, il était désormais sa propre musique. État Médor d'étouffer l'esprit révolutionnaire en réinstituant les fêtes religieuses et le poids de l'Église. Même si aujourd'hui nous avons oublié les hymnes pour l'inauguration d'un temple de la liberté de Le Sueur, l'ode sur Barra et Viala, les rois, les grands, les prêtres de Combini, même si nous nous voulons nous souvenir de l'hymne des 22, du chant funèbre sur la mort du citoyen Féraud de Méhul, de l'hymne à l'égalité de Catel, il nous faut bien reconnaître que malgré le manque d'originalité du langage de ces œuvres, elles sont d'une importance des plus réelles quant à l'apport musical qu'elles établissent dans leur relation entre public et créateur. La Révolution française a donc tenté de consolider son idéologie avec l'aide de la musique, qu'elle ait échoué en partie n'incriminant rien la validité ou la cohérence d'une telle tentative. Après avoir donc envisagé les rapports du pouvoir hitlérien avec la musique, puis ceux de la Révolution française, je vous propose maintenant de nous attarder quelque peu sur la réaction du pouvoir face à la musique lorsqu'il est en état de crise et tente de consolider ses positions. Une réaction qui perçoit alors la culture et son essor comme un danger subversif pour son propre rayonnement, pour son propre épanouissement. En Russie, au XIIe siècle. En ce temps-là, l'Église était quasi le pouvoir. Or, la Russie n'était passée au christianisme que depuis peu et le paganisme conservait bien des adeptes. La musique profane florissait avec les aèdes, rhapsodes, poètes et musiciens. Une situation que l'Église voyait d'un mauvais œil. De fait, elle savait de quoi elle parlait, elle qui avait utilisé près de 2 siècles plus tôt le chant comme moyen de propagande évangéliste. Or donc, un évêque répondant au doux nom de Cyril Tourovski décida un beau jour que la musique instrumentale héritée des païens devait être interdite de pratique. Appuyé par l'ensemble du clergé et les princes d'alors, notre évêque, un homme averti, orchestrait un monumental autodafé, forçant ainsi les créateurs qui refusaient de se plier à cet abus de pouvoir à s'exiler au plus profond des campagnes. Ce que n'avait pas prévu l'évêque Cyril Tourovski, c'est que cette décentralisation contrainte allait ensemencer la richesse du fond de la musique populaire russe, un folklore dans lequel les compositeurs de ce pays iront, dès le XIXe siècle, chercher leur substantifique moelle. Thank you. Mélodie anonyme russe, XVIIe siècle. En fait, cette prise de position d'un pouvoir entrant directement en guerre contre l'expression artistique se retrouve par exemple dans la politique islamique iranienne. La révolution de Khomeini, datant de 2 ans à peine, et sans doute sa déclaration réquisitoire de l'un de ses premiers messages au peuple, est restée dans toutes nos mémoires. Nonobstant, le voici, souvenez-vous. La musique est comme l'opium, quand le cerveau s'y habitue, il perd, après quelque temps, son fonctionnement naturel. L'homme devient improductif, inutile et parasite. Comme l'opium, la musique engourdit et fait sombrer l'homme dans la torpeur. Il ne faut pas que la radio ou la télévision diffuse 10 heures de musique par jour et fasse perdre à nos jeunes leur force et leur virilité. Faire de la musique, c'est trahir la nation, c'est trahir la jeunesse. Voilà qui est aussi net et clair que les propos tenus par l'évêque Tourovski au XIIe siècle. 8 siècles plus tard, l'islam part en guerre sainte contre la musique, opium du peuple. Un journal intégriste titré sur 5 colonnes à la une, « Plus de musique à la radio, la musique islamique n'existe pas ». Cet interdit religieux, frappant la musique, fut en outre étendu à la fabrication et au commerce des instruments. Mais, à côté de cela, l'imam Khomeini ne dédaigne pas d'utiliser la musique comme propagande de sa gloire. Ainsi, entend-on chaque jour, avant chaque bulletin d'information, le grand tube du régime « Allah Akbar Khomeini Khabar ». En français, « Dieu est le plus grand et Khomeini notre protecteur ». À côté de ce titre, la révolution se sert de notre chant sur un rythme de marche qui répète à l'infini le nom d'Allah. Outre que ce chant est plagié d'une ancienne litanie de transe kurde, une telle démarche n'est-elle pas comparable à notre matraquage publicitaire occidental? Mais il semble que l'Église en tant que pouvoir ait toujours considéré la musique comme un danger à la diffusion de son autorité, et se méfiant comme de la peste de celle-ci, celle que l'on nomme profane, celle qui vient donc du peuple. Au IVe siècle, saint Ambroise, archevêque de Milan, joua un rôle prépondérant dans le développement du chant d'église. Mais ce développement ne put être endigué selon la volonté de celle-ci, car dans les diocèses éloignés de Rome, on prit de plus en plus l'habitude de chanter plus librement, de remplacer le latin par la langue vulgaire, et ce, selon les goûts et les caractéristiques de chaque région. Cet éclatement eut pour conséquence la rupture de l'unité de l'Église, fondée alors sur l'unicité du culte. C'est ainsi que le pape Grégoire le Grand, au VIe siècle, reforma le chant religieux en établissant une version officielle qu'il imposa à la chrétienté européenne, un chant que depuis l'on nomme grégorien. Ah. Dès lors, peut-on affirmer que la musique est aussi prophète ? Ce qui est certain, c'est que bien souvent dans notre histoire, elle est en avance sur la société qu'elle explore dans ses potentialités plus rapidement que la réalité matérielle ne le fait. Codée et protégée par son code, la musique crée un cosmos, le régit et par là dépasse le réel, le quotidien, en annonçant l'image d'un univers nouveau qu'elle projette dans l'avenir. À cause de cela même, le musicien créateur, qu'il soit officiel ou non, est subversif. Aussi, le compositeur voit-il son sort lié au pouvoir historique en place. Glorificateur du régime, provocateur ou prophète de la libération, le musicien est à la fois attaché à la société qui lui accorde ses subsides, sa protection, et opposé à l'ordre établi lorsqu'il se laisse aller à visionner le futur. Ainsi peut-on dire que lorsque le compositeur se veut du pouvoir, il aliène et que lorsqu'il s'oppose, il détruit les valeurs existantes reconnues. Rien d'étonnant alors que dès qu'il parle trop haut, on le fasse taire. À moins qu'il ne se fasse le porte-parole d'une idéologie de pouvoir en fermentation, en devenir. De Wagner déclarant « Je veux le détruire cet ordre établi qui divise l'humanité » à Berlioz décrétant « La musique aujourd'hui, dans la force de sa jeunesse, s'est émancipée, libre, elle fait ce qu'elle veut, impose de nouvelles tentatives et même, dans certains cas, l'infraction des anciennes lois. » En passant par Beethoven, conscient qu'une partie de son message musical s'adresse aux générations futures exclusivement, les exemples seraient bien trop nombreux à énumérer dans le domaine de la musique anticipatrice d'une société en devenir. Ce qui nous amène à envisager trois faits concrets proches de nous. Tout d'abord, l'éclosion du free jazz, le rock brandi comme le drapeau de la liberté en Tchécoslovaquie et les réactions sous le manteau d'une Russie contestant son régime politico-culturel. Jacques Attali nous donne une analyse très pertinente de ce fait culturel que fut le free jazz. La voici telle qu'il nous l'offre dans son livre Bruit. Le vol organisé et souvent consenti de la musique nord-américaine a provoqué la naissance du free jazz, revendication profonde à la création autonome, à la réappropriation économique culturelle de la musique par ceux pour qui elle a un sens. Le free jazz est la première tentative pour traduire en termes économiques le refus de l'aliénation culturelle qu'a signifié la répétition, pour faire naître par la musique une culture neuve. Ce que la politique institutionnelle piégée dans la représentation n'a pu faire, ce que la violence écrasée par la contre-violence n'a pu obtenir, le free jazz tente de l'amorcer peu à peu dans la production hors de l'industrie d'une musique nouvelle. Le free jazz, en rupture complète avec la version sage du jazz accepté, s'est heurté à une implacable censure de l'argent. Certaines compagnies de disques aux États-Unis ont même adopté la règle précise de ne plus enregistrer de musiciens noirs, mais seulement quelques blancs qui jouent comme des noirs. Aussi, cette musique a été très vite le reflet et le haut-parleur de la lutte politique des noirs en réaction contre leur insertion dans la répétition. S'ouvrant sur toutes les musiques colonisées, contre cette censure de l'industrie officielle, une industrie parallèle essaiera de se mettre en place pour produire la musique nouvelle et la faire connaître. Les musiciens du free jazz se structurent d'abord avec la création en 1969 par Bill Dixon et Archie Shepp de la Jazz Composers Guild, association parasyndicale. Puis, en 1965, à Chicago, de l'Association for the Advancement of Creative Musicians, sorte de coopérative réunissant une trentaine de musiciens noirs pour lutter contre la dictature des directeurs de clubs, des compagnies de disques et des critiques. Archie Shepp. Jacques Attali continue. Outre la défense des intérêts professionnels, ses buts sont essentiellement de multiplier les occasions de rencontre entre les compositeurs, instrumentistes et orchestres. Puis, l'action des musiciens tend à les rendre plus autonomes par rapport au capital. Dans ce sens, l'expérience la plus intéressante est la Jazz Composers Orchestra Association, qui succéda à la Jazz Composers Guild, minée par les conflits internes et les conflits raciaux. Cette organisation extérieure aux grandes structures de l'industrie musicale permet donc à quelques musiciens de travailler sans être obligés d'enregistrer à rythme trop rapide des disques purement commerciaux. L'association est financée par la collectivisation de tous les droits d'auteur et par des subventions d'universités et de fondations obtenues par les personnalités de la musique et les enseignants comme Thornton ou Shep. Tous les musiciens perçoivent une part égale de la totalité des droits. Dans le même esprit émergent d'autres organisations économiques originales, tentant d'échapper aux lois de la répétition, telles des orchestres autogérés comme celui de Beaver. Le statut économique nouveau accompagne la naissance d'une musique nouvelle, réellement instantanée, de jouissance immédiate, fuyant toutes les cristallisations, détournant les instruments, mais aussi très construite et souvent très intellectuelle. L'accession à l'autonomie économique, la politisation du jazz et les luttes pour l'intégration sont concomitantes. Le free jazz, créé avec les Black Muslims, s'inscrira par ses références à l'Afrique et à la beauté noire comme la musique d'une renaissance culturelle, d'une différence. Extrait du discours de Malcolm X, le 28 juin 1964, à l'Organisation de l'Unité africaine. Le musicien blanc peut jouer s'il a quelques partitions devant lui. Il peut improviser à partir de quelque chose qu'il a entendu auparavant. Mais le musicien noir, lui, prend son instrument et souffle des sons auxquels il n'avait pensé avant. Il improvise, il crée, et cela vient de l'intérieur, c'est son âme, c'est la musique de son âme. Il improvisera, il apportera quelque chose qui viendra du fond de lui. Et c'est ce que vous et moi voulons, vous et moi. Nous voulons créer une organisation qui nous donnera un pouvoir tel que nous pourrons nous asseoir et agir à notre gré. Depuis ce temps, et comme le mouvement de la violence noire, le bruit du free jazz a échoué dans sa rupture de la répétition. Cantonné, réprimé, limité, censuré, expulsé, il s'est assagi. Il a adopté de nouvelles formes de création et de circulation culturelle, n'ayant pas réussi à accompagner une réelle prise de pouvoir politique. Archichep dit « Le peuple noir d'Amérique a adopté une position politique plus réflexive, avec tout ce que ce mot implique. Il n'est pas sage de prendre des risques inutiles de s'afficher, de gueuler à la télévision. Cela nous rend vulnérables à tous les niveaux, facilement identifiables par les forces réactionnaires. » Le free jazz, point de rencontre de la musique populaire noire et des recherches théoriques plus abstraites de la musique occidentale, vient signifier une liquidation de la coupure musique populaire-musique savante et ainsi briser la hiérarchie répétitive. Il montre également en quoi le refus d'accompagner la crise de prolifération amorce localement les conditions d'un modèle de production musicale différent d'une musique neuve. Mais ce bruit, ne s'inscrivant pas au même niveau que les messages circulant dans le réseau de la répétition, ne peut s'y faire entendre. Il est l'annonce d'une autre musique, d'une production extérieure à la répétition, après avoir échoué lorsqu'il s'est voulu prise de pouvoir dans la société répétitive. En Tchécoslovaquie, la dissidence, elle aussi, en réaction contre le pouvoir, a choisi la musique comme porte-parole. En 1963, Actual, un groupe de rock tchèque, déchirait ses vêtements et les faisait tenir avec des épingles à nourrice 15 ans avant la punk génération. Écrivant leurs textes avec des coupures de journaux, ils se font les chantres d'une génération bâillonnée. En 1967, les Primitives se parent des attributs les plus ambigus, travestissement, maquillage, et s'emparent des sciences occultes dites parallèles. C'est eux qui monteront quelque temps après le premier groupe de rock de l'Est sous le nom de Plastic People of the Universe. Leur naissance date, curieuse coïncidence, de l'entrée des chars russes à Prague. Leur musique est à l'image de la répression dont ils furent les victimes, déshumanisée, conflictuelle, lancinante, répétitive. La réaction du pouvoir ne s'est pas fait attendre. Arrestations arbitraires, saisies de matériel, condamnations de toutes sortes. Du point de vue légal, la loi tchèque autorise la liberté de jouer à qui bon lui semble, seulement faut-il encore posséder une carte professionnelle délivrée par une commission spéciale. Et si vous ne possédez pas cette carte, vous travaillez au noir et donc pouvez être condamné comme criminel aux yeux de la classe ouvrière. En 1977, la répression fait feu de tout bois. Deux groupes des plus populaires dans une certaine frange de la jeunesse opposante sont arrêtés. Le procès retentissant donnera alors naissance à la charte de 1977. Dernier exemple, la contre-culture clandestine en Russie prend le chemin de la musique dissidente. Pour illustrer ce fait révélateur de la puissance de la musique en lutte contre le pouvoir, voici un texte d'Alexandre Dimov paru dans Le Monde de la Musique numéro 6. Au tout début des années 60, le mot jazz à Moscou évoquait le remue-ménage terrifiant d'un wagon-restaurant victime d'une catastrophe ferroviaire. Expirant quelque part au-dessus des tables, dans une pénombre où luisaient caviar et vodka, une vieille locomotive blessée hurlait son désespoir. Les assiettes de Bortsch tressautaient, un verre vide vacillait, la main d'un vieux poivreau se tendait vers la salière et ratait son coup. Un crescendo dément déversait sur les voyageurs de commerce et les femmes d'officiers pris de boissons, des tonnes de ferraille en débâcle, et un silence pâmé planait enfin sur le restaurant abasourdi. C'était ça, le jazz. Il vivait dans les bouges, se faufilait parfois sur l'estrade d'un parc ou ressurgissait au hasard d'une partie dansante. Le jazz, ça se baladait dans des godasses éculées. Ça évoquait tantôt le cassage de gueule, tantôt le rapt des femmes mariées, quelque chose d'enfumé, de nocturne. Le jazz. À l'époque, rares étaient les amateurs qui distinguaient le Dixieland du swing et le blues du spiritual. Le goût se formait de manière anarchique. Était jazz tout ce qui se démarquait de la musique autorisée officiellement. Or, tout était interdit. Ainsi, les embruns de la première vague de rock arrivèrent jusqu'à nous. Ce fut l'époque inoubliable des disques faits à la main sur de vieilles plaques radiographiques. On les vendait sous le manteau. Une fois chez soi, on ajustait le léger disque homemade sur un disque acheté en magasin, on le coinçait avec un objet assez lourd pour l'empêcher de dévier, et on pouvait entendre enfin, un peu déformé par la mauvaise qualité technique, un Bill Haley déchaîné, l'inoubliable Elvis, qu'il repose en paix, ou le grand chéri des demoiselles moscovites, Polanka. Jamais ces chanteurs ne sauront de quelle popularité délirante ils ont joui en Russie. Naturellement, ce pot-pourri incluait pêle-mêle les Bing Crosby, Frank Sinatra, Doris Day, Myla Jackson, Ella Fitzgerald et Roll Garner. Du bouillon de premier choix. Une intéressante digression s'impose ici. La musique était quand même la forme d'acculturation occidentale la moins facile à contrôler chez nous. C'est elle qui a ouvert la voie à la littérature et à d'autres formes d'existence. Elle qui brisa le mur du silence. Le jazz engendra des phénomènes divers, comme le trafic d'articles de l'autre monde, et il donna un nouvel essor au marché de la littérature non autorisée. Les trafiquants de livres noirs se multiplièrent à la suite des mélomanes et avec succès. On lisait à présent les livres interdits au moyen de bandes magnétiques quand on n'avait pas le temps ni les moyens de les photocopier. Un monde complètement différent, artificiel et pathologique naquit. C'était un fait, une forme de vie, parfois caricaturale sans doute, mais qui prenait le sens d'une protestation inconsciente. Essayez d'imaginer un pays totalement fermé, où il est impossible de réaliser le simple désir d'écouter du jazz. Imaginez ces connaisseurs raffinés, fanatiques de musique, leur orgueilleux enthousiasme, leur réunion secrète, les sanglots d'Ornette Coleman, venus d'un autre monde, la neige derrière la fenêtre et les croix des clochers russes. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. We'll be right back. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Et Alexandre Dimov de poursuivre. Ce sont les Beatles qui ont porté le coup de grâce au jazz. Comme le monde entier, un peu plus tard peut-être, la Russie fut atteinte de Beatlemanie. Les temps étaient propices. Partout déjà, on écoutait la BBC, la Voix de l'Amérique, on voyait le samizdat en effervescence, on croyait que ce maudit rideau tomberait un jour ou l'autre. Le nombre des amateurs du jazz classique diminuait, les magasins d'occasion étaient remplis d'appareils occidentaux coûteux, le marché noir du disque florissait. Un album récent des Beatles coûtait de 50 à 70 roubles. Les disques étaient rapportés d'Occident, enregistrés et vendus. Avec l'argent obtenu, on pouvait en racheter d'autres. La machine fonctionnait. On menaçait, on arrêtait, on emprisonnait, mais des fenêtres s'envolait une musique absolument pas soviétique, mêlée de Galitch et de Kujava. Les transistors firent le reste. La Voix de l'Amérique reprit du poil de la bête, et à sa suite la BBC et la radio allemande, retransmissions qui introduisirent d'abord le rock, puis le jazz. Quoique tout cela sentît la propagande mal organisée, en plein dans la gueule à la mode militaire, on commençait, à écouter cette voix dans tout le pays. Il n'y a pas plus d'un an, un soir, l'auteur de ces lignes, secoué dans un autobus presque vide, entendit le conducteur, un jeune homme, diffuser à plein tube le programme musical de la Voix de l'Amérique entrecoupé de nouvelles politiques. Qui se serait hasardé à écouter publiquement cette radio calomniatrice seulement 10 ans plus tôt? C'était inimaginable. Oh, comme ça, calfeutrer chez soi et pas trop fort. Mais promenez-vous le soir dans la calme banlieue moscovite, ou à Leningrad, à Kiev et ailleurs, et je vous parie que vous n'entendrez pas les speakers nationaux. C'est le jazz qui a ouvert la voie à l'écoute semi-libre de ces stations essentiellement politiques. Le jazz soviétique officiellement autorisé subit lui aussi une mutation. Au début du dégel, sous Khrouchtchev, apparurent des quartets, des quintets, qui jouaient le soir dans les cafés de jeunes. Souvent, on trouvait là les représentants de notre troisième groupe. Ils interprétaient de façon plus ou moins orthodoxe la musique autorisée. Ils improvisaient, exécutaient des morceaux célèbres. Pour calmer les esprits et tranquilliser la direction, ils jouaient quelque chose d'agréable pendant les intervalles. Souvent, après la fermeture du café, vers 11h, il ne restait que les amis, les fans. Et le véritable jazz pouvait se donner libre cours dans la mesure du talent, de l'expérience et des possibilités. Cela ne dura pas longtemps. Quelques festivals au bord de la Baltique, un festival international en Pologne, des conférences sur le jazz, l'apparition éphémère sur la station Jeunesse des quelques favoris reconnus, jusqu'à la lettre révoltée de retraités indignés par cette repoussante musique, et puis un phénomène trop connu. Ce jazz, semi-autorisé, au son bien contemporain, se tourne du côté officiel et engendre un hybride, symbole du conformisme soviétique, musique asexuée, vaguement teinté de jazz sound. Le même processus, la même conversion avait métamorphosé des poètes enflammés, Evtushenko et Voznesensky, en locataires dociles des beaux appartements et des datchas. En Russie, cela s'appelle la gauche autorisée. Mascarade, comédie, récupération des formes modernes. Le rock contemporain se propulse sur les chemins battus de la Beatlemanie. Dans toutes les stations touristiques de l'Union, de Vladivostok à Yalta, se baladent Elton John, Stevie Wonder, Santana et les brillants techniciens du Pink Floyd. Rien à voir avec la radio soviétique, l'anticulture, comme dans tout d'ailleurs. À partir de l'antimatière, on crée l'antimonde dans lequel évolue et se dédouble l'homo sovieticus, le bâtisseur du communisme. Et déjà, la province fleurit de mélomanes avertis, déjà se hâtent vers la capitale des jeunes gens munis de leurs belles économies pour acheter de la main à la main ou dans les magasins d'occasion au prix de quelques milliers de roubles le dernier modèle Philips. Déjà, succombant au charme des speakers, on écrit des lettres à Bill McGuire, à la Voix de l'Amérique, lui demandant de programmer pour Vania de Saratov, Frisson d'un soir d'été. Pour frissonner, l'Union frissonne, et de tous les côtés. Mais un des endroits les plus étranges où l'auteur a rencontré le jazz, son grand amour, fut la prison de Lefortovo, l'une des plus fameuses et des plus vieilles en Russie. Ayant passé bien à contre-cœur un temps assez prolongé dans le cabinet d'un inspecteur, je remarquai soudain qu'un tiers de la pièce était encombré par des disques entassés sur le sol. Une installation stéréo RCA occupait un coin de la salle. Bien entendu, le juge d'instruction, lorsque je lui demandais des explications, me répondit qu'ici, c'était lui qui posait les questions. Mais à la fin de l'interrogatoire, il se radoucit mystérieusement et me confia que chez eux, au KGB, avaient lieu des liquidations de biens confisqués, à des tarifs d'État, bien entendu. Cela signifiait que le disque de Youssef Latef, Plays for Lovers, visible en haut d'une pile, et que j'avais acheté jadis 50 roubles, lui revenait à lui, personnalité hautement sociale, il est vrai, 1 rouble 45 kopecks. Il y a différentes manières de devenir collectionneur en Russie. Thank you. Thank you. C'était Jabulani Easterjoy, extrait du disque African Space Program par Dollar Brand. Ainsi se termine la première émission de Musique et Pouvoir par Alain Ferron. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 12 novembre 1980. Deuxième partie, demain à la même heure. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. A fly-by-night affair.